Donc, on est en train de regarder ensemble les obstacles à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on est souvent en présence. Dieu nous parle par sa parole, on la lit, elle nous est enseignée, on la partage entre nous comme croyants, mais la parole n'a pas toujours l'effet escompté dans notre vie. Et pourquoi? Parce que souvent, il y a des obstacles qui sont là dans notre vie. N'est-ce pas? Dieu nous a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Mais ça, on devrait dire, bon, Dieu me commande de pardonner, alors c'est simple, je vais obéir, puis je vais pardonner. Mais en réalité, on n'y arrive pas toujours. Et comment ça se fait? Pourtant, on connaît le commandement, on connaît le principe, et on n'y arrive pas. C'est qu'en quelque part, entre l'entente, on l'entend, et la mise en pratique, ben, il y a un obstacle qui est là, qui empêche la parole de faire son effet. Dieu nous dit d'être généreux, de ne pas s'inquiéter, etc., de ne pas craindre. Et on n'y arrive pas toujours. Alors pourquoi? Ça, c'est la question. Et donc, on est en train de regarder qu'il y a, malheureusement, différents obstacles. Ça fait partie de nous. Mais c'est pas simplement pour les pointer, mais pour grandir dans ces domaines-là. Et on a vu jusqu'à maintenant deux obstacles à partir de Luc, chapitre 24, où Jésus reprend ses disciples et il dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc, jusqu'à maintenant, on a eu deux messages sur ce texte de Luc 24 et on a identifié deux obstacles. Le premier, c'est notre manque d'intelligence, c'est-à-dire d'intelligence spirituelle. Ce n'est pas qu'on est retardé mental, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que on ne voit pas toujours les choses comme Dieu les voit. Notre intelligence n'a pas été toujours renouvelée comme elle le devrait. Et on continue à réfléchir comme être humain avec notre sagesse humaine. Et donc, ça, c'est un premier obstacle. On a parlé de ça, le premier message. Le deuxième, c'est « dont le cœur est lent à croire ». Lent à croire. Quand on entend la parole, si on ne la met pas en pratique, en quelque part, souvent, il y a un manque de foi entre les deux. On a de la difficulté à croire, à faire confiance au Seigneur. Et on a parlé de cela. Et ce matin, on va parler d'un troisième obstacle, c'est l'impact de nos expériences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées et qui nous ont amenés à acquérir des valeurs, des croyances. Et souvent, ces croyances-là vont aller à l'encontre de l'Écriture. Puis on a tendance à se fier plus à ces expériences, ces conclusions qu'on a tirées dans notre vécu. On a tendance à se fier plus à cela qu'à la parole de Dieu. Tournez, s'il vous plaît, avec moi dans Juges, chapitre 6. On va se servir d'un texte, l'histoire de Gédéon. C'est assez spécial. Vous connaissez le livre de Juges, c'est le septième livre de l'Ancien Testament. Juges, chapitre 6, et je vais en faire la lecture. Donc, Gédéon était un des juges en Israël. C'était le cinquième qui nous est présenté dans le livre. Donc, Juges, chapitre 6, verset 1. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, donc une coalition de différents groupes, différentes nationalités, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Du verset 7 jusqu'au verset 10, Dieu envoie un prophète qui avertit Israël qu'ils ont péché. Mais au verset 11, je continue la lecture. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel, tantôt on parlait de l'ange de l'Éternel, maintenant c'est l'Éternel lui-même, parce que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est, on prend une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. On pourrait le traduire par le messager de l'Éternel et on croit que c'est même Jésus qui était là. Donc, on l'appelle l'Éternel. C'est plus qu'un ange. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc, on parle aujourd'hui comment nos expériences, notre vécu, affectent notre théologie. Soyons sérieux, c'est la réalité. Ce qu'on vit, Gédéon ici, comment il interprète les événements qui lui arrivent, il les interprète pas à la lumière de ce que dit la parole de Dieu, pas à la lumière de ce que l'Éternel lui-même qui lui apparaît, lui dit. C'est croyances, ses valeurs ne sont pas celles que Dieu lui dit. Il aurait dû dire simplement, « Ah, Dieu, tu me dis que tu vas nous délivrer, tu nous dis que tu es là, tu es avec nous, ça me suffit, et de partir puis d'être encouragé. » Mais non, Gédéon dit, « Ben non, Dieu n'est pas avec nous, et je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité, l'Éternel nous abandonne. » Ça, c'est son évaluation. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années qui est dans la misère. Ce qu'il expérimente, c'est défaite. C'est l'ennemi qui est puissant. C'est l'ennemi qui a la victoire. Nous, on est sans force, sans puissance dans tout cela. Et de la même manière, frères et sœurs, au fil des années, nous avons, nous aussi, au travers de nos expériences, nous avons façonné plusieurs de nos valeurs, de nos croyances fondamentales. Non pas à partir de la parole de Dieu, mais à partir de nos expériences, des expériences qu'on a vécues. Et il arrive quelquefois que des expériences peuvent être même positives et vont nous aider à nous approprier la parole de Dieu. Suivez-moi bien, OK? J'ai déjà parlé avec une personne qui racontait qu'elle avait été très malade, proche de mourir. Et au travers de cette expérience-là, ce qui avait... Le Seigneur s'en est servi pour ancrer dans son cœur l'idée comment la vie est fragile. Elle est comme une vapeur qui passe pour un peu de temps. Et comment on doit s'attacher bien plus à l'au-delà que sur cette terre. Alors, son expérience de souffrance, d'être près de la mort, l'a amené à s'approprier un enseignement de la parole. Je me rappelle aussi d'avoir parlé avec un missionnaire, je crois que c'était en Inde. Il avait été en Inde pendant plusieurs années. Et là-bas, il avait vu la pauvreté, il avait vécu lui-même la pauvreté. Et après plusieurs années de ministère, il était revenu au Canada, puis il disait, je regardais les richesses ici, je regardais le genre de vie qu'on mène, puis j'en revenais pas, alors que la Bible nous enseigne qu'on doit se contenter de peu. Et il avait appris ça là-bas, lui, le contentement, au travers de son expérience. Alors pour lui, quand il lit l'Écriture, puis que l'Écriture nous exhorte à nous contenter de ce que nous avons, de ne pas s'attacher au matériel, bien, c'était facile, c'était plus facile que nous qui avons toujours vécu dans la richesse. Alors, il arrive que nos expériences vont nous aider. Mais, malheureusement, bien souvent, c'est plutôt l'inverse. Nos expériences, surtout les expériences négatives, de souffrance, les difficultés, vont nous amener à croire profondément des choses fausses et qui vont à l'encontre de la parole, qui s'opposent à la parole. Je suis en train de lire un livre de Tim Lane qui s'intitule « Living Without Worry »,« Vivre sans inquiétude ». Et il raconte l'histoire d'une femme, Suzanne, dans ce livre-là. Et ce n'est pas le vrai nom, mais c'est une vraie histoire. Simplement pour ne pas qu'on reconnaisse la personne, il l'a appelée Suzanne. Et cette Suzanne participait dans son église au ministère de la louange. Elle chantait avec un groupe. Et il est arrivé quelque chose, une difficulté. Il ne raconte pas tout en détail, mais ça a fait en sorte que les gens ont commencé à la soupçonner, parler d'elle, et même finalement l'ont rejetée. Et elle a dû quitter le groupe. Ça l'a blessée profondément. Elle a senti une profonde injustice. Et cette blessure-là a resté de telle sorte que par la suite, là, pour elle, c'était même très difficile d'assister à l'église. Chaque fois qu'elle revenait à l'église, ça lui rappelait cette situation-là. C'était une angoisse, c'était très, très lourd sur son cœur. Et même au niveau de son travail, elle racontait qu'elle n'était même plus capable parce qu'à chaque année, à son travail, il y avait comme une espèce d'évaluation avec le responsable. On évaluait et elle disait, j'arrivais là pour me faire évaluer, puis j'avais l'impression de me faire critiquer, puis je n'étais plus capable de tolérer ça. Et donc, cette expérience négative, cette difficulté dans l'Église l'a amenée à croire que ça ne vaut plus la peine. Les gens sont contre nous. À l'instant où quelqu'un me parle, me reprend sur quelque chose, c'est pour mon malheur, il veut me détruire, il veut parler. Et ça a été quelque chose pendant des années qui lui a amené des luttes. Je trouvais cette histoire-là tragique, mais est-ce qu'on n'a pas tous vécu un peu des choses comme ça? Qui nous amènent à partir de nos expériences à tirer des conclusions qui vont pourtant à l'encontre de la parole de Dieu. Combien il y a de personnes qui ne sont plus capables d'assister à une assemblée? Ils ne sont plus capables de faire confiance aux croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur lancer la pierre? On va dire, « Hey, la parole de Dieu dit! » On va revenir comment on doit gérer cela. Et on voit dans le texte devant nous, c'est surtout là, comment Dieu, lui, a traité avec Gédéon. Comment Dieu a pris soin de lui. Comment Dieu l'a restauré. Et on va tirer quelques principes de là. On a tous eu ces expériences-là. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à un moment donné, et je vais m'en rappeler, je pense, toute ma vie, je devais avoir 5-6 ans. J'avais une paire de ciseaux, je l'ai rentré dans une prise de courant. Et il a sorti une espèce de flamme de là, et j'ai pogné un choc. Et je vous le dis, pendant des années, je n'étais plus capable de brancher des choses dans les prises de courant. J'avais été traumatisé par ça. Puis même aujourd'hui, quand je branche, souvent ça me revient, cette expérience-là. Il y a une sœur qui me racontait que quand elle était plus jeune, je pense qu'elle avait 10 ans, le soir, quand elle allait se coucher, chaque soir, puis des fois elle allait se coucher et elle avait oublié, vous savez ce qu'elle faisait? Elle se relevait et elle faisait le tour. Est-ce que la fournaise ou le sous-sol, il y a un danger qu'on prenne en feu, qu'il y ait un incendie? Est-ce que ma mère a débranché son fer à repasser, à aller voir? Est-ce que les ronds de la cuisinière sont éteints? Et tant et aussi longtemps qu'elle n'avait pas fait le tour, chaque soir comme ça, elle ne pouvait pas s'endormir. Et je parlais avec elle, je dis, ouais, mais pourquoi? Elle n'arrive pas à se rappeler pourquoi, qu'est-ce qui avait provoqué ça, mais probablement c'est une expérience. Est-ce que quelqu'un à côté d'eux a passé au feu, elle a vu à la télévision une grosse incendie et ça l'a traumatisé, puis ça a fait en sorte que c'est ce que ça l'a produit dans sa vie. Bien, on en a tous des choses comme ça, à différents niveaux, qui viennent de l'observation. On est des scientifiques, pas vrai? C'est quoi la science qu'elle fait? C'est qu'elle observe des phénomènes, puis elle tire des conclusions. On lance un objet dans les airs, il retombe, on le fait plusieurs fois, puis on se dit, ah, il y a la loi de la gravité. Un objet, parce qu'il y a un poids, il redescend toujours. Bien, nous, là, de la même manière, on a observé. On a vécu des choses. Et on a tiré des conclusions. Et beaucoup de ces conclusions sont contraires à la parole de Dieu. Puis même si la parole nous vient, elle ne peut pas avoir l'effet que Dieu veut, parce qu'elle nous dit une chose, mais en dedans de moi, il y a quelque chose d'autre qui me dit de quoi de plus fort. Et donc, il faut faire face à ces choses-là. Remarquez les contrastes dans le texte. Donc, je reviens au texte. Remarquez les contrastes qui sont là. OK? Donc, il y a Dieu en personne, parce que là, on parle de l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit que c'est probablement une théophanie, Jésus, qui était là. Alors, Jésus parle directement à Gédéon. Il lui dit, garde, ce que tu vis là, je vais t'en donner l'explication. Moi, je veux t'utiliser. Tu es un vaillant héros. Je vais être avec toi. Puis tu vas avoir la victoire sur Madian. Alors, let's go, on y va. Qu'est-ce que dit Gédéon? Ben non, voyons donc. L'Éternel n'est pas avec nous. Hey, où est-ce qu'ils sont tous les prodiges? Nos pères nous racontent que l'Éternel nous a sortis d'Égypte. Il a fait des grands prodiges. C'est un Dieu puissant qui délivre son peuple. Mais je comprends que la Bible dit ça, mais ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité. La réalité, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Tu m'appelles un vaillant héros. Hey, je suis quand Madian, avec les fils de l'Orient, avec les Amalécites, viennent dans le pays, nous autres, on fuit. Notre refuge, là, ce n'est pas l'Éternel. C'est des rochers, c'est des cavernes, c'est des ravins. Ça, c'est en quoi on se confie pour être protégé. Et vous remarquez ce que faisait Gédéon? Il était en train de battre du blé dans le pressoir. C'est pour du vin, ça. C'est tout petit. Tu mets des raisins là-dedans, tu presses les raisins, ça donne du jus. Finalement, tu le fais fermenter. Lui, il avait tellement une petite quantité de blé, puis il était obligé de fuir dans les montagnes, puis de tenter au meilleur de ses capacités d'avoir du blé, de ça, de la farine, tout ça. Il dit, quoi, tu m'appelles vaillant héros? Voyons donc, je suis un réfugié. Puis en plus de ça, tu me dis que c'est moi qui vais délivrer Israël. Ma famille, là, c'est la plus petite. Manassé, c'est la plus petite des tribus. Ma famille, c'est la plus petite. Puis moi, je suis le plus petit de la famille. Jamais je vais être capable de délivrer. Il y a un contraste. Remarquez le contraste entre ce que Dieu dit et ce que Gédéon dit. Et à moins que Dieu n'intervienne, là, Gédéon ne peut pas recevoir ce message-là. Même si c'est dans l'Écriture, parce que nos pères nous ont raconté, ils nous ont raconté ce que Dieu a fait dans le passé, mais ce n'est plus ce que j'expérimente. Même si Dieu, tu me le dis, je ne peux pas accepter ça. La réalité, c'est que non, tu n'es pas avec nous. Remarquez la théologie de Gédéon, parce qu'on est tous des théologiens. Hein? Sa théologie, lui, tu dis, Gédéon, qu'est-ce que tu crois profondément? C'est ça, notre théologie, c'est ce qu'on croit. La théologie de Gédéon, ça en est une de défaite, une théologie défaitiste. Ce qu'il se dit, c'est, tu dis à Gédéon, explique-moi, Gédéon, la foi, Dieu, comment ça marche? Je vais dire, Dieu n'est plus avec nous. C'est ça ma théologie. Dieu ne nous délivre pas. Madian, c'est des plus forts. Nous, on est des esclaves, des fugitifs. On est en train de survivre avec nos propres moyens. Dieu ne nous aide pas. C'est toute une théologie, hein? Théologie d'un Dieu absent, un Dieu qui a changé. Oui, dans le passé, c'était le même. Il délivrait son peuple, mais aujourd'hui, il ne fait plus ça. Avant, on pouvait compter sur lui. Là, on ne peut plus compter sur Dieu. Et vous, votre théologie, vos croyances, vos valeurs réelles. Ah, je sais que si on fait passer un examen, on est des chrétiens. Alors, on pose la question, on va donner les bonnes réponses, les réponses de la maîtresse, hein, comme on dit. Mais au fond, nous, notre vraie théologie, là, c'est comment, qu'est-ce qui nous guide chaque jour, carrément sur le terrain, qu'est-ce qui nous guide? Je vous pose quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'énoncé suivant? Okay? La Bible est tout à fait pertinente pour orienter ma vie en 2017. Si on fait passer un test, tout le monde va dire oui. Ben oui, la Bible est toute suffisante, absolument. Dans les faits, si on posait la question à quelques-uns, peut-être ils diraient, pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que, vois-tu, dans un des domaines de ma vie, l'éducation des enfants, j'ai pris des cours, j'ai lu des livres, j'ai lu la parole, je me suis fait des... Et j'ai tenté de mettre ça en pratique, j'ai prié, puis la réalité, mes enfants, ils ne fonctionnent pas avec Dieu. Et est-ce que la Bible, c'est vrai? Est-ce que c'était le meilleur livre que je pouvais prendre pour me, sur lequel me baser pour l'éducation des enfants? Je ne suis pas si sûr que ça. Si on veut être honnête. Parce que l'expérience a créé quelque chose en dedans de nous et nous amène à avoir des fois d'autres croyances. Qu'est-ce que vous pensez de l'énoncé suivant? Dieu répond à la prière. Ah, ben oui, la Bible le dit, je peux même citer 12 versets. « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira absolument. » Mais dans les faits, ça fait plusieurs années que je prie pour différentes choses. Et si tu me demandais réellement ce que je crois dans mon cœur, je te dirais, je ne suis pas si sûr que ça, que la prière est si efficace. Dans mon expérience, ce n'est pas toujours ce que je vis. Est-ce que tes croyances, tes valeurs sont basées sur la parole ou sur ton expérience? Qu'est-ce que vous pensez de l'énoncé suivant? La vie en Église est une bénédiction. Ah, ben oui! Ah, qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour toujours. Je passe mon examen 100%. Dans les faits, dans mon expérience. Je me rappelle un moment dans mon ministère, dans ma vie d'église, où juste de voir le bâtiment me donnait des angoisses, me troublait. Si je m'étais écouté, là, je ne serais plus venu à l'église. Parce que l'expérience m'avait amené des souffrances, des difficultés, de l'opposition, critique, tout ça. Je ne suis plus capable. Et tu m'aurais demandé, l'Église, c'est une bénédiction? Si j'avais été honnête. On a chanté au début, Jésus revient chercher les siens, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu penses de l'énoncé suivant? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous vous rappelez dans 2 Pierre, il y avait... Pierre écrit, puis il y a des gens qui disaient, voyons, que le Seigneur revienne. Toutes les choses sont, depuis que nos pères existent, les choses se passent, c'est plutôt le statu quo, il n'y a pas de changement, de cataclysme, de changement majeur. C'est toujours du même au pareil. Voyons, pourquoi le Seigneur reviendrait? Dans leur expérience, eux autres, ils disaient, voyons, la vie, c'est le soleil se lève, se couche, c'est toujours le même cycle, il n'y a pas de changement majeur. Et ils tiraient la conclusion, donc, tout va continuer comme ça. C'est ce que j'observe. De là, je tire mes propres conclusions. Je suis un scientifique, moi. Je tire mes conclusions. Et mes conclusions que je tire, c'est qu'il n'y aura pas de changement. Le Seigneur va revenir, puis le ciel va s'ouvrir, puis la terre va être transformée, brûlée, etc. Voyons donc. Et Pierre enseigne ces gens-là. Mais dans les faits, est-ce qu'on croit que Jésus va revenir? Ah oui, si on répond au petit test. Mais ça change-tu quelque chose dans notre quotidien? Est-ce que c'est notre expérience ou c'est la parole de Dieu? Soyons honnêtes, nous aussi, nous faisons comme Gédéon et nous avons une théologie bien souvent basée sur notre expérience. Et je vais aller un pas plus loin. J'ouvre une petite parenthèse et je veux vraiment insister sur spécialement les expériences négatives. Parce que les expériences négatives semblent avoir un impact sur nous majeur, quelquefois même permanent, beaucoup plus puissant que même les expériences positives. Tu sais, je vous racontais tout à l'heure le missionnaire qui, après avoir été en Inde, revient ici, puis a appris le contentement. Mais vous remarquerez que même les bonnes choses, même après avoir expérimenté presque la mort, puis avoir appris que la vie est fragile, tout à coup avec le temps, on retombe dans le moule, puis on retombe dans notre sillon. Mais une expérience négative. J'entendais l'histoire d'une infirmière qui s'est piquée avec une aiguille souillée. Et ça a été un traumatisme parce que là, elle se demandait si elle allait attraper du sida ou quelque chose comme ça. Ça a été terrible. Elle n'a jamais été capable de pratiquer à nouveau l'infirmerie, son travail. Elle n'a jamais été capable. Les expériences négatives ont un impact beaucoup plus profond, malheureusement, que même les positives. Alors, comment on sort de ça? Et il y a une histoire dans la Bible. Je vous raconte l'histoire de David. Vous vous rappelez quand l'arche, quand on transportait l'arche, je vais plutôt vous la lire, OK? 2 Samuel 6, à partir du verset 8, vous n'avez pas besoin de tourner, je vous fais la lecture. Donc, on transporte l'arche, Uzza touche à l'arche, un des amis de David, le feu descend du ciel, fait mourir Uzza. Et regardez comment David réagit. « David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. » Et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'un autre bonhomme. David voit une expérience. Bien, mettez-vous à sa place un petit peu. Là. Vous êtes avec votre chum. Puis vous êtes en train de travailler, tout à coup le feu descend du ciel, il le consume. C'est un poulet grillé à côté de vous, là. OK? Lui, il vit ça. Comment il réagit, David? Ouh! Il a eu peur de Dieu. Dieu voulait que l'arche, parce que l'arche avait été volée par les Philistins, dans le contexte, il voulait que l'arche s'en vienne à Jérusalem. Il fallait qu'elle soit dans le tabernacle, c'était ça la volonté de Dieu. David était prêt à le faire, mais tout à coup, il n'était plus capable. Ah non, non, moi je ne touche pas, puis je ne veux pas ça chez nous, hey! Il a eu peur, traumatisme, il a eu un choc. Il n'a pas été capable d'aller plus loin avec ça. Mais si vous connaissez l'histoire, ça a pris 3 mois. Le Seigneur l'a guéri et il a amené l'arche chez lui au milieu des réjouissances. Mais sur le coup, ça a été très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Peut-être ajouter un dernier détail avant de donner des solutions. Vous savez que ces peurs qu'on a eues, ces expériences traumatisantes, parce que j'insiste plus là-dessus, se développent en toutes sortes de choses en nous. Hein? Cette peur-là peut facilement devenir une phobie. Pourquoi tout à coup on a peur? Une phobie, tu fais juste voir un chien sur une photo puis tu en as peur. Pourquoi? Tu étais tout petit, tu t'es fait mordre. Puis là, tu gardes ça, puis au fil des années, malheureusement, ça ne reste pas juste là. Oh, attention, les chiens, il y en a certains qui sont dangereux. Ça vire en phobie. Des fois même, on appelle ça des TOC, troubles obsessifs compulsifs, où je vous parlais tout à l'heure, quelqu'un qui fait le tour de sa maison parce qu'il a le feu, il a peur du feu. Des fois, la personne va le faire 10 fois, puis elle n'est jamais sûre qu'elle dit « je l'ai-tu fait comme faux? » Et c'est terrible dans ce que ça peut nous apporter. Donc, c'est important qu'on amène ces choses-là devant Dieu. Pour, plutôt que permettre une croissance du phénomène, pour nous détruire de plus en plus, qu'on puisse voir une croissance de la délivrance et une guérison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Un, évitons des solutions simplistes. Je me rappelle une sœur qui avait peur de conduire l'auto. Et je ne sais pas si c'était suite à un accident ou je ne sais pas quoi. Et je me rappelle, une autre sœur à côté lui disait, « Ben voyons, le Seigneur dit, confie-toi, ne crains pas. Voyons donc, lis ta Bible puis prie. » C'est vrai qu'il faut lire notre Bible puis il faut prier, mais est-ce que c'est si simple que ça? Puis c'est ça qu'il faut qu'on dise aux gens automatiquement là, quand ils vivent des choses? Jésus, c'est spécial, comment il était plein de compassion, comment il écoutait et prenait soin des gens. Évitons des solutions simplistes. Évitons, deuxièmement, de penser que la Bible n'est pas pertinente pour faire face à ces difficultés-là. C'est complexe ce qui se passe en nous. On est atteint par le péché et on est dans un environnement où il y a du mal autour de nous. Des fois, on en est victime, ça se mélange avec des réactions malsaines qu'on a. Alors, c'est un phénomène complexe qui fait que des fois, on capote. Mais la Bible est pertinente. Pourquoi? Jésus est venu pour régler la question du péché sous toutes ses formes. Que tu n'en sois responsable parce que tu ne réagis pas bien, que tu sois une victime, qu'il y ait des effets collatéraux, Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour régler la question du péché, pour délivrer, pour nous donner la victoire sur ces choses-là. Et dans les faits, j'ose même dire que c'est la seule clé, la foi, l'Écriture, Jésus, sa mort à la croix, pour nos péchés, pour régler le péché. C'est par ses meurtrissures que nous sommes, quoi? Guéris. Jésus l'a expérimenté, toute la laideur, la souffrance, le péché des autres. Il l'a reçu à la croix. Il a pris nos péchés pour que nous, on puisse être délivrés. Et donc, dans les faits, on peut aller à lui. Il comprend. Il a été tenté, il a souffert comme nous. Et on peut aller à lui avec nos difficultés, ouvrir notre cœur et il nous accueille, il nous reçoit. C'est fondamental. La Bible est tout à fait réaliste face au péché. La Bible est tout à fait crédible et peut vraiment nous aider dans des circonstances comme celle-là. Alors, regardons dans le texte comment le Seigneur agit envers Gédéon, qui se basait sur son expérience. 1, au verset 11, il prend l'initiative, le Seigneur. Il aurait pu dire, hey, Gédéon, ça fait 7 ans. Il est traumatisé, pauvre gars, il est fini, il n'y a rien à faire avec lui. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, puis vint l'ange de l'Éternel, verset 11. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas. Le Seigneur prend l'initiative. 2, le Seigneur était vraiment là. Gédéon dit, le Seigneur nous abandonne, le Seigneur n'est pas avec nous. Spécial, il dit ça au Seigneur qui est là, présent. Le Seigneur était là, avec lui. Sauf que, il était en train de travailler, troisième point, mais pas comme Gédéon s'y attendait. En fait, le Seigneur travaillait bien avant ça. Israël a péché dans le contexte, parce qu'ils sont allés vers des dieux étrangers. Dieu a permis que les Madianites dominent sur eux. Dans leur détresse, parce que là, ils goûtaient à leur péché, aux conséquences de leur péché, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et là, l'Éternel continue à agir. Il agissait en permettant que les Madianites viennent les tenailler comme ça pour pouvoir les amener à une repentance, pour les amener à justement régler cette question de péché. Dieu envoie un prophète, verset 7 à 10, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais Dieu envoie un prophète, il veut régler la question de péché. Alors Dieu est à l'œuvre selon son plan pour délivrer Israël, pour délivrer Gédéon, mais d'une toute autre façon que Gédéon s'y attendait. Lui tirait comme conclusion, ben regarde, s'il arrive des choses comme ça, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. Non, Gédéon, Dieu est là, mais il agit de façon différente, puis justement, il veut te délivrer au travers de ça. Il utilise d'autres étapes. Avez-vous vu un petit mot bien important au début du verset 11? Puis, vint l'ange de l'Éternel, au moment où Dieu choisit d'intervenir là, directement. Avant ça, il agissait indirectement au travers des autres peuples. Mais là, il vient en personne à un moment précis. En son temps, Dieu veut intervenir dans notre détresse. En son temps, Dieu veut venir nous guérir. Il sait le moment, il sait ce qu'on a besoin de vivre avant, d'arriver des fois au bout de nos propres forces pour pouvoir par la suite agir, intervenir, pour nous amener la délivrance. 4, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les lamentations de Gédéon. Il s'assit, il dit, je suis mieux de m'asseoir. Et là, Gédéon, il vide son sac. Seigneur, où est-ce qu'ils sont les promesses, puis ce que nos pères disent qu'ils ont vécu, comment ça se fait, nous autres, on n'est plus là avec nous, puis j'ai plus de force, puis je suis le plus petit, puis Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il écoute patiemment. Et en fait, le Seigneur veut qu'on répande nos cœurs devant lui, qu'on le dise. Il n'est pas scandalisé, il ne prend pas les choses personnelles. « Hé, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est de moi que tu parles, là? » Ben non. Il savait où était rendu Gédéon. 5, qu'est-ce qu'il fait? Il le rassure, l'affermit, lui rappelle la vérité. « Regarde, Gédéon, on va se parler un petit peu. » Je veux t'utiliser. Je vais te donner la force. Je vais être avec toi. J'ai envoyé un prophète précédemment pour vous dire que ce qui arrive, c'est pas parce que l'Éternel n'est pas avec vous. C'est parce que justement, il est là. Mais il faut régler la question de péché, que vous vous repentiez pour que je puisse ensuite guérir. Le Seigneur l'a fermé. Puis même, le temps nous manque ce matin, mais ça aurait été intéressant de lire le reste de l'histoire parce que Gédéon dit, va-t'en pas tout de suite parce que j'aimerais te donner un petit lunch. Il va chercher du pain, il va chercher un chevreau, il amène ça. Et tout à coup, alors qu'il lui apporte ça, le feu vient surnaturellement, puis l'ange de l'Éternel monte au travers du feu. Gédéon dit, hey, j'ai vu l'Éternel, je vais mourir. Et là, il dit, non, tu ne mourras pas. Mais il a vu la puissance de Dieu. Puis même par la suite, Gédéon, il dit, ouais, je ne suis pas trop sûr. Donne-moi un signe pour être sûr que tu es avec moi. Là, vous connaissez le signe de la toison. Il lui dit, ben si il y a juste la toison qui est mouillée demain matin, mais qu'il n'y a pas de rosée autour, ça va être un signe que tu es vraiment là avec moi. Le Seigneur dit, bon, c'est ça que tu veux, tiens. Voilà la toison, exactement comme il l'avait demandé. Il dit, ouais, je ne suis pas sûr. Si il y a tout est trempe autour, mais il y a juste la toison, elle, qui n'a pas de rosée dessus, tu me feras-tu ça? Alors, il fait un... Et par la suite, il rassure avec l'histoire des... Il a entendu un des soldats du camp adverse qui a dit, « Hey, Gédéon, c'est lui le puissant, puis il y a un gâteau qui roule, là, vous vous rappelez l'histoire. » Dieu l'a fortifié, Gédéon. Il l'a enseigné. Il a pris le temps de le rassurer. Et donc, que devons-nous faire? Nous, puisque Dieu... Je commence par Dieu toujours. Pour moi, dans ma théologie, Dieu prend l'initiative toujours. Ça part de lui. Il a pris l'initiative dans notre salut. Il prend l'initiative dans notre délivrance, dans notre croissance. Et c'est pour ça que quand je me vois pogner des fois, puis je vois des réactions, parce que une des choses qu'il faut voir, c'est un déclencheur. Je vous disais tout à l'heure qu'à un moment dans mon ministère, j'arrivais juste de voir le bâtiment de l'Église ici, il me faisait une angoisse en dedans de moi, puis m'écouter, j'aurais fui à la pêche. Vous avez des déclencheurs comme ça? Des fois, c'est juste la face de quelqu'un qui te fait penser à ton prof, il a la même face, ça te rend nerveux face à cette personne-là. Hein? Des déclencheurs. Des petites lumières rouges qui s'allument, disent, oh, je ne suis pas libre. Oh, je suis pogné. Oh, Dieu me dit telle chose, mais moi, mon expérience, puis mes valeurs, mes convictions profondes, ce que j'ai appris par mes expériences m'amène dans une toute autre direction. Il faut allumer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Un, croyez que le Seigneur a une grande compassion. Ici, c'est ce qu'il fait avec Gédéon. On peut aller à lui. Il comprend. Il y a une émission sur le net, comment qu'on appelle ça, pas un blog, où tu as différentes, je cherche le mot, en tout cas, podcast, de Florent Varac. Il y en a qui le connaissent, Florent Varac. C'est un pasteur qui, ça s'appelle « Un pasteur vous répond ». Et les gens envoient toutes sortes de questions. Et des genres de questions, dire, bon, je suis marié avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Une autre question, que faire avec ma culpabilité? Et lui, ce que je trouve spécial de cet homme-là, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose de délicat comme ça, là, quelqu'un dit, qu'est-ce que je dois faire avec ma culpabilité? Plutôt que se mettre à répondre, ben, garde, le Seigneur est mort, patatata, il commence en disant quelque chose comme, oh, ça me touche. Que tu vives ça. Que ça ne doit pas être évident chaque jour de vivre avec un poids de culpabilité comme ça. Je prie pour toi. Et là, ensuite, il va continuer à enseigner. Oh, tu es marié avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ça doit être un combat. Ça me touche. Ben, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur, quand il nous voit avec ces choses-là, Jésus voyait les gens, voyait les foules qui étaient accablées. Le Seigneur dit, était ému de compassion pour ces foules, qui languissaient, qui étaient abattues, pleuraient sur ces foules. Alors le Seigneur, on peut aller à lui, il comprend. Il dit, je le sais, t'es né avec le péché, t'es dans un monde de péché, et toutes les souffrances que ça l'amène, un mélange des les réactions, tout ça, je comprends, viens à moi. Croyez que le Seigneur a une grande compassion. Deux, désirons par-dessus tout d'être libérés de cela, parce que nous ne sommes pas libres. Moi, une des choses qui me pousse le plus à louer au Seigneur avec ces choses-là, ces lumières rouges, déclencheurs, c'est de dire, je ne suis pas libre. Je ne suis pas conduit par la vérité. Je ne suis pas libre de faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans telle circonstance. Je suis né par mes craintes, mes réactions, mes mauvaises conclusions. J'ai besoin d'être délivré. Ça vous arrive de vous dire, plus jamais, je vais avoir un ami. Hey, j'ai eu des amitiés, chaque fois j'ai été blessé, plus jamais. Plus jamais je vais mettre les pieds dans une église, plus jamais. Quand on dit des plus jamais comme ça habituellement, c'est qu'on a tiré des conclusions de nos expériences et on n'est pas libre. Je ne dis pas ça pour nous condamner, simplement pour dire, hey, allons au Seigneur avec ça, pour en être délivré. Qu'est-ce que Israël faisait? Quand les Madianites, avec les autres peuples, cette coalition-là, arrivaient dans le pays, eux, ils disaient, bon, mais puisque je ne peux pas compter sur le Seigneur pour me délivrer de ça, on va aller se cacher dans des ravins. Alors, ils s'étaient trouvés des alternatives, des ravins, des cavernes, puis des rochers fortifiés. Bien, nous, le problème, là, c'est qu'on s'est fait aussi des forteresses. On s'est entouré pour se protéger en disant, ben, regarde, telle situation arrive, et là, on met une clôture, plus jamais ces choses-là vont venir me blesser. On s'est créé nos propres refuges. Mais malheureusement, ça ne nous rend pas libres. On est esclaves. Trois, répandez vos cœurs devant le Seigneur. Répandez vos cœurs devant le Seigneur. Dites-lui, il y a plus de la moitié des psaumes qui sont des psaumes de lamentation. C'est parce que la vie est lamentable. C'est pas dur, hein? Puis on peut le dire aussi. Je trouve ça dur. Ouvrir notre cœur. Quatre, attendez la délivrance du Seigneur. Paniquez pas, paniquons pas. Si je dis, ouais, j'ai emmené ça au Seigneur, mais il me semble que je ne vois pas la délivrance, ne vous en faites pas. Avant même que Dieu apparaisse ici à Gédéon, la délivrance avait commencé. Il avait commencé à agir au travers des circonstances pour l'amener en quelque part. Attendez la délivrance de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a donné dans Genèse chapitre 6 l'arc-en-ciel, à Noé. Mettez-vous à la place de Noé. Il a été un an sur un bateau, tout le monde a été détruit, l'autre. Puis après ça, quand il est sorti de l'arche, et là, il a commencé à pleuvoir sur la terre, avant ça, il ne pleuvait pas. Quand la pluie, suite à ça, il commençait à pleuvoir, il doit se dire, « Hey, y a-t-il un autre déluge qui s'en vient? J'ai-tu trop bu de vin, là? Qu'est-ce qui est arrivé? » Tout à coup, il voit arriver l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Casse-toi pas la tête, Noé. Je t'ai promis. Puis je te donne un signe, là. Regarde, je t'ai promis que plus jamais il va venir un déluge comme celui-là sur la terre. Plus jamais. Et l'arc-en-ciel était là pour le rassurer. Attendez que Dieu envoie son arc-en-ciel dans votre vie. Attendez qu'il vous donne la délivrance. Il y a un texte qui est très encourageant pour moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui pourtant lui n'avait pas de problème, hein? Il dit ceci. « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Alors, Paul nous dit qu'avant d'arriver à Thessalonique, c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens, on a passé par Philippe. Et à Philippe, là, on a souffert. Allez lire dans Actes 16, il a été mis en prison, il a été battu, outragé, tout ça. Il dit, on a souffert à Philippe. Puis quand on a été libéré de là, il fallait se rendre à Thessalonique pour prêcher la parole. Il dit, qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de prendre de l'assurance en mon Dieu. Après avoir pris de l'assurance en Dieu, nous avons été auprès de vous pour vous annoncer l'Évangile. Au milieu de bien des combats, ça n'a pas été facile. Le grand apôtre Paul, quand il est parti de Philippe, il a dû s'arrêter et dire, Seigneur, je ne suis plus capable. Puis à moins que tu me remplisses, là, à moins que tu me donnes une assurance, que tu viennes faire quelque chose dans mon cœur, je ne serai pas capable. Il dit, après avoir pris de l'assurance en notre Dieu, on a pu aller vous annoncer l'Évangile. Attendez la délivrance de l'Éternel, mais il y a comme une part aussi qu'on peut lui demander. Hein? J'attends, mais je dis, Seigneur, comment je peux prendre cette assurance? Comment je peux aller chercher auprès de toi? Et ça nous amène au point 5. Combattez pour vous approprier sa parole. Combattez avec la vérité. Si on peut identifier ses fausses croyances et méditer la parole, mémoriser la parole, rappeler la parole à notre cœur, plutôt que rappeler ses mensonges dans notre tête, là, de remplacer par la vérité et se rappeler la vérité. C'est pour ça qu'on met des versets sur notre miroir, qu'on apprend par cœur, parce qu'on veut que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui va nous affranchir, va nous délivrer de ces choses-là. Alors, des fois, on a un peu besoin d'aide, mais d'identifier notre fausse croyance, puis de méditer, mémoriser, rester attaché à la parole, il y a quelque chose qui va se faire dans notre cœur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un mécanisme, simplement quelque chose de logique. C'est une œuvre spirituelle, de la puissance de Dieu par son esprit, dans le cœur de ses enfants, qui nous affranchit par sa vérité à la longue. Et finalement, demander de l'aide de personnes compatissantes, authentiques, ancrées dans la parole. Compatissantes, qui sont capables d'écouter, comprendre ce que vous vivez. Authentiques en disant, bienvenue dans le club, je suis comme toi, j'ai mes combats moi aussi. C'est ça la vie chrétienne. Quand on est authentique, on est capable de partager nos difficultés, nos luttes. Mais ancré dans la parole. Parce qu'on ne veut pas juste se faire dire, ben oui, puis pauvre toi, puis se faire flatter. Oui, mais aussi se faire rappeler, dire, mais voici mon frère, je vais prier avec toi. Regarde, il y a un bon livre sur le sujet. On se revoit dans une semaine. Médite sur tel verset. Des personnes qui peuvent nous aider avec la parole de Dieu. Qui ne remplace pas Dieu, qui vont nous amener à Dieu, qui vont faciliter notre relation avec Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, dans ce combat. Le combat du croyant, c'est un combat du cœur. C'est un combat profond où Dieu veut nous transformer, nous donner des victoires graduelles, bien souvent, de façon graduelle, pour pouvoir expérimenter sa puissance, puis ensuite aussi aider d'autres qui se trouvent dans les mêmes circonstances. Prions, alors qu'on ferme les yeux, je vous invite à prier bien fort, peut-être deux, trois personnes, s'il vous plaît. Prions le Seigneur.